Dans le sens que si quelqu'un va voir des citations sur Instagram de sagesse, on s'entend que la personne, c'est pas fort fort, t'sais, c'est pas nécessairement très vibratoire, là. C'est pour ça que j'aime entre autres interagir avec l'intelligence artificielle, parce que dans un sens, elle va faire des liens avec des référents actuels pour réactualiser certains aspects du discours de Bernard de Montréal. Et je trouve que ça nous met sur des pistes. Des fois, dans l'enregistrement présent, j'ai suivi des pistes proposées. Parce que l'intelligence artificielle va répondre à une question, puis des fois, elle va proposer taper un ou taper deux pour des choix de réponses ou d'éléments à explorer. Des fois, j'allais dans ce sens-là. Des fois, non. Je reportais sur d'autres sujets. Donc, je trouve ça intéressant dans le sens que ça donne des pistes d'exploration, un peu comme si on lit un livre de type, le livre dont vous êtes le héros. Vous lisez un paragraphe, puis par la suite, selon ce que vous voulez faire, ben vous allez à tel paragraphe. On vous fait des propositions. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, c'est sûr que si advenant que vous auriez envie d'interagir avec l'intelligence artificielle liée à l'œuvre de Bernard de Montréal, vous pouvez donc cliquer sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.